Audiomatic. Yeah. La transmission 249 d'Audiomatique avec les sonoristes s'amorçait avec la musique du projet américain de Mina Birds, mené par Laura Burren, qui nous interprétait la chanson Mightier Than the Sword, extraite de son deuxième album Generals, paru en 2012. Audiomatique se poursuit sans attendre avec l'artiste Makaya McCraven. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le projet Aphex Twin et sa pièce Meld Face 6 se retrouvant sur l'album Droux, sorti en 2001. Avant Aphex Twin, nous entendions une pièce du batteur Makaya McCraven, soit Prosperity's Fear, tirée de l'album Universal Beings, album enregistré lors de sessions live dans quatre lieux différents, soit New York, Chicago, Los Angeles et Londres, et faisant appel dans chacune de ces sessions à des groupes de musiciens différents selon les villes. Ensuite, M. McCraven a remixé chacune des sessions pour créer des versions alternatives alliant enregistrement live et échantillonnage pour offrir une perspective musicale différente du jazz, restant tout de même uniquement acoustique. Sachez que sur la pièce que nous avons écoutée, nous pouvions entendre notamment le saxophoniste Shabaka Hutchins, des formations Sons of Kemet et The Comet Is Coming. Vous êtes toujours à Audiomatic avec les sonoristes et la suite sera assurée par le groupe britannique Uncle. Thank you. watched it burn. Burn. Yeah, burn. Watched it burn. Burn. Watched it burn. Watched it burn. Burn. Watched it burn. Young strangers in a strange land, wondrous in a vast and unknowable universe. Thank you. Good day. À Audiomatic, nous avions droit à la musique de l'artiste autochtone canadien Jeremy Dutcher, qui est issu de la Première Nation Tobik sur le territoire de laquelle le Nouveau-Brunswick a été fondé. Le ténor Jeremy Dutcher a étudié le chant classique et à travers son œuvre contemporaine, il a voulu rendre hommage et faire connaître sa langue d'origine, le Wolustugwe, qui est malheureusement en train de disparaître. En explorant les archives du Musée canadien de l'histoire à Gatineau, il a découvert plus de 100 chants ancestraux de son peuple qui ont été enregistrés sur des cylindres de cire par l'ethnologue Marius Barbeau durant la première partie du 20e siècle. Jeremy Dutcher a réarrangé certains de ses chants traditionnels pour la création de son premier album intitulé « Wool Lastug Wihig Lind Tuwa Gonawa », récipiendaire du prix Polaris 2018 et duquel est tirée la chanson « Asuwa Anige » que nous entendions en conclusion de séquence. Précédemment à Jeremy Dutcher, nous vous présentions le projet Bat for Lashes, incarné par la chanteuse anglaise Natasha Khan, de qui nous entendions la chanson Two Planets, parue sur son deuxième album Two Sons, lancé en 2009. Et nous débutions ce bloc avec le groupe britannique Uncle et leur composition When Things Explode, à laquelle le chanteur Ian Astbury du groupe The Cult prête sa voix. On retrouve cette pièce sur le troisième album de Uncle, soit War Stories, qui est paru en 2007. Toujours à Audiomatic, poursuivons avec la formation Aniceto et Sus Fabulosos. Thank you. la formation Tall, projet parallèle des membres de Ramley, concluait cette séquence de trois pièces avec Forge, une composition apparaissant sur l'unique album intitulé Christ Knows, paru à l'origine en 1986. Avant Tall, nous écoutions une pièce du groupe Ride, à savoir Drive Blind, apparaissant sur le mini-album homonyme Ride, qui est en fait leur première parution datant de 1990. Cette pièce se retrouve aussi sur l'album Smile, qui regroupe l'entièreté du mini-album Ride, ainsi que le mini-album Play, également sorti en 1990. Avant Ride, nous entendions Aniceto et Sus Fabulosos, le groupe de chicha psychédélique dirigé par Aniceto Salazar, qui a seulement sorti quelques 7 pouces dans la première moitié des années 70. La pièce que nous entendions, intitulée Mi Gran Noche, peut se retrouver sur la compilation Cumbias Chichadelicas, Peruvian Psychedelic Chicha, produite par l'étiquette Industria Phonographica Peruana. Comme disait Aristote, en toute chose, c'est la fin qui est essentielle. Et cette transmission 249 ne fait pas exception. C'est donc avec la chanteuse canadienne Feist et sa chanson Undiscovered First que nous conclurons l'émission. Ce sera mercredi prochain dès 17h que s'actualisera Audiomatique à travers la transmission 250 diffusée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Entre-temps, il est toujours de convenance de visiter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU où se trouvent les archives et les liens vers les anciennes transmissions. Voici Feist et la chanson Undiscovered First. C'était Audiomatique avec les sonoristes. There or not, shadows of